Saint Augustin, œuvre polémique. Des hérésies. Markendanarchive.org d'après abbaye Saint-Benoît.ch. Extrait. Bien des fois, cher et Saint Côte-Vulde II, le nom de Côte-Vulde II signifie « ce que Dieu veut, tu m'as instamment prié d'écrire, sur les hérésies ». Un livre propre à intéresser ceux qui veulent ne point tomber dans les erreurs opposées à la foi chrétienne et capables de séduire les âmes par leur faux air de christianisme. Sois-en sûr, je n'avais pas attendu jusqu'à ce jour pour y penser, depuis longtemps j'aurais entrepris cette tâche, si, après mûr examen, la difficulté et la grandeur d'un tel ouvrage ne m'avaient paru dépasser mes forces. Mais comme tu m'as, plus que personne, pressé de m'en charger, j'ai pris en considération ton nom aussi bien que tes instances, et je me suis dit, je me mettrai à l'œuvre, je ferai ce que Dieu veut, et j'aurai, ce me semble, la conscience d'avoir accompli son bon plaisir, si, avec le secours de sa grâce, je parviens au terme de mon travail, c'est-à-dire, soit à t'indiquer seulement la difficulté d'une œuvre si importante, soit à la surmonter complètement. Cette difficulté m'apparaît, je la médite et la retourne dans mon esprit, je la saisis, mais en triompherai-je? Je n'ose me le promettre, car j'ai beau essayer, demander, chercher, frapper, le résultat me semble toujours incertain. Une seule chose est pour moi hors de doute, c'est que je ne puis ni demander, ni chercher, ni frapper suffisamment, si Dieu ne m'en inspire le désir et la volonté. J'entreprends donc ce travail sur tes pressantes instances, et pour me conformer à la volonté de Dieu. Mais, pour m'aider à parvenir au terme, ce n'est point assez, tu le vois, de me presser par d'incessantes demandes. Il faut aussi me soutenir de tes ardentes prières, il faut, de plus, engager à intercéder auprès de Dieu en ma faveur ceux de tes frères que tu pourras déterminer à le faire avec toi. Voilà pourquoi, le Seigneur aidant, je me suis hâté d'envoyer à ta charité la première partie de mon livre et ce prologue. Tous ceux d'entre vous qui pourront connaître, par ce moyen, que j'ai déjà mis la main à l'œuvre, sauront combien ils doivent m'assister près de Dieu pour l'achèvement du travail immense que vous désirez me voir mener à bonne fin. Si je juge de tes désirs par la teneur même de ta première lettre de demande, tu voudrais un traité court, concis et sommaire dans lequel je ferai connaître toutes les hérésies qui ont existé et qui existent encore, depuis l'origine de la religion chrétienne, héritage divin promis à nos pères, quelles erreurs les hérétiques ont soutenues et soutiennent, ce qu'à l'encontre de l'enseignement catholique ils ont pensé autrefois et pensent aujourd'hui sur la foi, la Trinité, le baptême, la pénitence, l'humanité et la divinité du Christ, la résurrection, le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais comprenant que la réponse à de telles questions serait de grande étendue, il t'a paru utile qu'on y joignît un abrégé contenant en général, as-tu dit, tout ce en quoi il s'écarte de la vérité. Puis, tu as ajouté, quelles sont les sectes qui confèrent le baptême ou ne le confèrent pas? Celle dont l'Église baptise les anciens adeptes, sans néanmoins rebaptiser. Comment, enfin, reçoit-elle ceux qui reviennent à elle? Que répond-elle à chacun d'eux d'après la loi, l'autorité et la raison? Ces diverses questions me font admirer l'élévation d'un esprit qui souhaite si vivement connaître la vérité en tant de grandes choses, et qui, néanmoins, réclame la brièveté pour éviter l'ennui. Tu t'es aussi aperçu de ce que pouvait me suggérer ce passage de ta lettre? Aussi, tu as couru au devant de ma pensée en ajoutant que, votre béatitude le croit bien. Je suis assez clairvoyant pour imaginer le nombre et la grandeur des volumes qu'il faudra pour résoudre ces questions, mais ce n'est pas ce que je demande, nous l'avons déjà. Aussi, pour m'indiquer, sous forme de conseil, la manière de demeurer concis tout en exposant la vérité, tu reviens à ta première recommandation. Surtout que votre méthode soit brève et serrée dans ce compendium, où vous exposerez, suffisamment pour instruire, les opinions de chaque hérésie, et la doctrine de l'Église catholique opposée à chacune d'elles. Mais c'est de nouveau réclamer un long ouvrage, non pas qu'on ne puisse ou qu'on ne doive l'exécuter avec concision, mais parce qu'il y a tant de sujets à traiter, qu'il est indispensable d'y consacrer un grand nombre de pages. Et pourtant tu me dis, faites un résumé complet si quelqu'un veut connaître d'une manière plus ample, plus claire et plus approfondie, l'objection et la réponse. Il ira consulter les précieux et magnifiques ouvrages écrits sur ces matières par différents auteurs, et surtout par votre révérence. En t'exprimant de la sorte, tu me demandes donc comme un mémorial complet de toutes les erreurs et des vérités que leur oppose l'Église. Voici ma réponse. Un savant du nom de Celse a réuni, en 6 volumes assez considérables, les opinions de tous les fondateurs des sectes philosophiques qui ont paru jusqu'à son temps. Il ne pouvait aller plus loin, mais il n'en a réfuté aucune. Il les a exposés en assez peu de mots pour ne point prendre à tâche de les blâmer ou de les louer, de les soutenir ou de les défendre, se bornant à les énumérer et à les faire connaître. Il parle d'une 100aine de philosophes, et pourtant, tous n'ont pas établi une erreur nouvelle, mais il a pensé qu'il fallait citer même ceux qui avaient suivi les erreurs de leur maître sans y rien changer. Nous avons encore 6 livres, rédigés par un des nôtres, Épiphane, évêque de Chypre. Cet auteur, mort depuis peu de temps, parle de 80 hérésies, mais, à l'exemple de Celse, il ne fait qu'un simple récit dépouillé de toute polémique en faveur de la vérité contre l'erreur. Ses écrits sont très succincts, et si on voulait les réunir en un seul volume, il serait loin d'équivaloir en étendue à tels autres livres écrits par d'autres ou par nous. Si j'imite sa brièveté, tu n'auras ni ce que tu réclames de moi, ni ce que tu es en droit d'en attendre. L'essentiel pour moi, en ce moment, n'est donc pas de suivre les traces d'Épiphane, les preuves que je t'en donnerai, et ta pénétration d'esprit suffiront à te le faire comprendre, lorsque j'aurai terminé mon ouvrage. En lisant les livres de cet écrivain, tu verras tout ce qui leur manque pour ressembler au travail que tu me demandes de faire, et à plus forte raison, à celui que je conçois moi-même. Tu demandes une réfutation courte, concise et sommaire de toutes les hérésies qu'on énuméra, mais, enfin, tu veux qu'on les réfute. C'est ce qu'Épiphane n'a pas fait. Pour moi, Dieu aidant, je veux aller plus loin, avec mon livre, il sera possible d'éviter toute hérésie connue ou inconnue, on pourra devenir capable de juger sainement de celle qui pourrait surgir. Sache-le bien, toute erreur n'est pas une hérésie, quoiqu'aucune opinion mauvaise ne puisse être une hérésie que tant qu'elle s'appuie sur quelque erreur. À mon avis, il est très difficile, sinon impossible, de comprendre, d'une manière précise, ce qui constitue l'hérésie. Je m'efforcerai, néanmoins, de l'expliquer dans le cours de cet ouvrage, si le Seigneur daigne éclairer mon intelligence et diriger mon raisonnement vers le but que je me propose d'atteindre. Lors même que nous ne parviendrions point à connaître le caractère distinctif de l'hérésie, nous verrons et nous dirons en temps et lieu, de quelle utilité peuvent être nos recherches, car si nous réussissons à avoir une idée juste, il est facile de comprendre quel avantage on en retirera. La première partie de cet ouvrage roulera donc sur les hérésies qui ont attaqué la doctrine de Jésus-Christ, depuis sa venue en ce monde et son ascension glorieuse, autant, du moins, que nous avons pu les connaître. Dans la seconde, nous chercherons à bien définir en quoi consiste l'hérésie. Sabellius, les Sabelliens ou Patripatiens. Noé qui soutenait que le Christ n'était autre que le Père et le Saint-Esprit, eut pour disciple Sabellius, maître des Sabelliens. Ceux-ci furent donc une branche des Noétiens. Je ne sais, à vrai dire, pour quel motif Épiphane a fait des Noétiens et des Sabelliens deux sectes différentes, car il a pu arriver que Sabellius ait fait plus de bruit que Noé, et que cette hérésie ait conséquemment reçu de lui un nom plus célèbre. À peine connaît-on les Noétiens. Pour les Sabelliens, beaucoup de personnes en savent le nom. En effet, les uns leur donnent le nom de Praxéaniens, de Praxéas, les autres, celui d'Hermogénien, qui vient d'Hermogène. Ces deux personnages soutinrent la même doctrine, et vécurent l'un et l'autre en Afrique. Ce ne sont donc pas plusieurs sectes, mais ce sont des noms différents donnés à une seule et même secte, en mémoire des hommes les plus célèbres qui en firent partie. Ainsi en est-il des donatistes et des parménianistes, des pélagiens et des célestiens. Comment donc expliquer pourquoi Épiphane nous représente les Sabelliens et les Noétiens comme deux sectes bien distinctes, tandis qu'ils appartiennent à la même, sous diverses dénominations? Je ne le vois pas clairement, car, s'il existe entre eux une différence essentielle, il en a parlé d'une manière si obscure, peut-être parce qu'il cherchait à être concis, et qu'il m'est impossible de saisir sa pensée. Mettant les Sabelliens au rang où ils se trouvent ici, mais si loin des Noétiens, ils s'expriment en ces termes. Les Sabelliens professent les mêmes erreurs que les Noétiens, avec cette différence pourtant que, selon eux, le Père n'a pas souffert. Épiphane en son anacéphaléose. Est-il possible de croire qu'il est ici question des Sabelliens, puisque ceux-ci affirment si ouvertement les souffrances du Père, qu'on les connaît plutôt sous le nom de Patripatiens que sous celui de Sabelliens, et si, en disant que, selon eux, le Père n'a pas souffert, il a voulu parler des Noétiens, comment les reconnaître au milieu de termes si ambigus? Enfin, Épiphane a-t-il vraiment voulu dire, des uns et des autres, que, selon eux, le Père n'a pas souffert, puisqu'ils soutiennent également que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment ensemble qu'une seule et même personne? Mais Philastre, évêque de Brixiane, qui a écrit sur les hérésies un livre excessivement prolixe, et qui a compté 128 sectes hérétiques, nomme les Sabelliens immédiatement après les Noétiens, et s'exprime ainsi. Sabellius fut disciple de Noé, et professa exactement la doctrine de son maître, c'est pourquoi les membres de cette secte furent indifféremment appelés, dans la suite, Sabelliens, Patripatiens, Praxéaniens et Hermogéniens, de Praxéa et d'Hermogène, qui habitèrent tous deux l'Afrique. Ces divers hérétiques furent exclus de l'Église catholique avec tous ceux qui pensaient comme eux. Évidemment, après avoir cité les Noétiens, il a désigné, sous le nom de Sabelliens, tous ceux qui marchaient sur les traces de Noé. Il a indiqué les autres noms donnés aux membres de la même secte, et, pourtant, il distingue parfaitement les Noétiens des Sabelliens, comme s'il formait deux sectes bien distinctes. Pourquoi? Lui seul le sait. Arius, les Ariens. Arius a donné son nom aux Ariens. Tous connaissent parfaitement ces hérétiques et leurs erreurs. À les entendre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas d'une seule et même nature, d'une seule et même substance, ou, pour parler plus clairement, n'ont pas la même essence, en grec, ousia. Le Fils est une créature, et le Saint-Esprit est une créature de créature, c'est-à-dire, formée par le Fils. En s'incarnant, le Christ a pris seulement un corps, sans s'unir en même temps à une âme. Toutefois, sur ce dernier point, on connaît moins leur doctrine que sur les autres. Et personne que je sache, n'a rien dit de certain à cet égard. Il est néanmoins positif que telle est leur doctrine. Épiphane l'a reconnu, je m'en suis moi-même assuré en lisant certains de leurs écrits, en écoutant certains de leurs discours. Il rebaptise aussi les catholiques, en eût-il de même avec les non-catholiques, je l'ignore. Épiphane veut qu'on regarde comme schismatique, et non comme hérétique ceux qu'il appelle vadiens et que d'autres nomment anthropomorphites, parce qu'ils adoptent des idées charnelles et représentent Dieu sous une figure humaine corruptible. Pour les épargner et ne point les faire considérer comme hérétiques, Épiphane attribue cette erreur à leur rusticité. Voici ce qu'il en dit. Les Vadiens se sont séparés de notre communion, parce que les richesses des évêques les offusquaient, et qu'ils célébraient la Pâque en même temps que les Juifs. Certains auteurs affirment pourtant qu'en Égypte ils sont en communion avec les catholiques. Épiphane place les Photiniens en cet endroit de sa liste, nous en avons déjà suffisamment parlé plus haut. Au dire de cet écrivain, les semi-ariens reconnaissent, dans le Fils, une essence pareille à celle du Père, mais non la même homoousion, ils sont par conséquent des ariens incomplets, puisque les vrais ariens et les eunomiens n'acceptent pas même la similitude de substance entre ces deux personnes. Les Macédoniens, sectateurs de Macédonius, sont appelés, chez les Grecs, pneumatomakous. Ce mot signifie « ennemi de l'esprit » parce qu'ils élèvent des contestations au sujet du Saint-Esprit. En ce qui concerne le Père et le Fils, il n'y a rien à blâmer dans leur doctrine, puisqu'ils confessent une seule et même substance ou essence dans l'un et dans l'autre, mais ils ne veulent pas en croire au temps du Saint-Esprit, qu'ils regardent comme une simple créature. Quelques-uns leur donnent, avec plus de raison, le nom de semi-ariens, parce qu'ils sont d'accord à demi avec les ariens, et d'accord à demi avec nous. Néanmoins, d'autres pensent que, dans l'idée des Macédoniens, le Saint-Esprit n'est pas Dieu, qu'il n'a pas de substance à lui propre, mais qu'il est seulement la divinité du Père et du Fils. Désolé de n'avoir pu devenir évêque, le prêtre Aérius se jeta dans le parti des Ariens, fonda la secte des Aériens en ajoutant quelques erreurs à celles de l'arianisme. Ainsi, selon lui, on ne devait ni offrir le saint sacrifice pour les morts, ni établir ou observer des jeûnes solennels, chacun pouvait jeûner à son gré, afin de ne point paraître soumis à une loi, on ne devait non plus voir aucune différence entre un évêque et un prêtre. Si l'on en croit certains auteurs, les aériens, à l'exemple des encratites ou apotactites, ne reçoivent, dans leur communion, que les continents et ceux qui ont renoncé au monde au point de ne plus rien posséder en propre. Au dire d'Épiphane, ils mangent de la viande. Philastre, au contraire, assure qu'ils s'en abstiennent. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.